100% rap français. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français dans un instant. Notre invité, nos invités dans la nocturne, il y a JP, il y a Cozy qui débarque dans la nocturne dans quelques minutes sur Skyrock. Mais juste avant de les retrouver, Exclu, le morceau est arrivé, clippé par l'extraordinaire Chris Macari, aujourd'hui à 18h. Et le son en Exclu à écouter dans la nocturne maintenant, le son de Corjo, Big Ben, c'est pour débuter la nocturne 100% rap français. Et puis juste après, on retrouve nos invités. Planète rap, 100% explicit lyrics. Rien n'est plié, rien n'est bien n'a été fait. Tu comme les tours jumelles, personne n'était prêt. La vie n'est pas un film, j'en tue leur mise en scène. Je vous prends en doggy style, je me suis mise en scène. Ils sont à terre, j'ai des gouttes de sang sur le poing. Tour de la terre, tes frères, tu te sens plus sur le rond-point. Tout ton smic pour un couplet, ouais, ramène la fraîche. J'manque pas de toupet, que le rap français garde la pêche. On baisse, on t'arrache ta chaîne. On baisse, on relâche ta chaîne. J'veux elle, celle-là et la selle. Crime pêche, réponds à l'appel. Place du pas, le parc est brisé. Sur nous, il fallait miser. J'les allume juste pour les guider. On sort les obus et les guider. Flow au-delà de l'imaginaire. J'viens sur place, je crache, digère. Ouais, maintenant que tu là, j'y reste. J'ai une tasse sur le Durex. Ouais, depuis que je suis là, c'est moins simple. Retard ton album, mais l'heure des fins. J'suis Corvette, t'as le flow 405. En levrette, t'es sous pétape mensonge. Y'a quoi? J'ai rêvé de villa, de lingots d'or dans la valise. Leur satellite qui m'analyse. Cop à leur mix, j'veux du réalisme. Mate-moi. J'vendais ma dope pour que la police. La concurrence dans l'alcoolisme. Tu seras jamais mon acolyte. Barre-toi. Tu verras pas mes salaires ou bien couper mes teams. Négro, tu pues la merde, veux pas plier l'équipe. Mes ex me veulent la dite, je baise et je kiffe. Rafale dans vos niaises, comme ça on est quitte. Le meilleur est à, le reste c'est de la merde. Chambre récital qui fait mouiller ta mère. J'ai des billets à faire, donc on va vite ken. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. Champagne dans le verre, toute la tête, le gang dans les airs. Fais nous voir ton derrière, je vais t'attraper et j'insulte leur mère. C'est X, leur mets du sale sur la poudre de nos containers. Vite, ta biche pompe mon dard, pas le temps pour qu'elle pompe mon air. Rafler tous les billets, juste après je pourrais toutes les ken armées amener à les voir et les plier. Que tout se crève, oui, que tout s'éteigne. Mais mes démons me chuchotent que la vie est une pute, que le switch va prendre les rênes. Moi je démon, je pivote pendant que tu joues flûte, que tu pompes mes thèmes. T'as de mort sur le drapeau noir, chapeau de paille sur le crâne du skull. Elle m'aime pas, mais veut ken pour voir la taille de ma bite sur une plage du sud. Pour le bras, je suis un leader, je suis le meilleur frappeur de ce pays. Je mets ma tête dans un chat pour voir s'il y a assez de place pour pénis. Mon flow est sur écoute, trop d'avance pour le rap français. L'industrie, une pute qui me dégoûte parce qu'elle avale ce que j'ai craché. Faire d'oseille est un devoir, être fauché, c'est le choix de ses nègres. Le monde, il est vaste voyage pour voir que c'est mieux d'être riche plutôt qu'être célèbre. À toute heure, vous êtes assez peint sur planche, c'est la vérité. En l'honneur de mes ancêtres, je baisse des planches pour indemnité. Reste calme, j'ai les voix qui se branlent, ils ont ce qu'ils ont mérité. Tu sais que ta femme, ce serait bien Chris Brown, c'est relatif à fidélité. On souhaite que tu donnes ta chatte, après on se reverra plus. C'est moi qui donne l'heure, la date et même la température. Moi c'est K-E-R-J au cœur, Tis Cobain. Une chose est sûre, c'est que tout son saigne. A T-E-L, mande mouille qu'on baigne. Banlieue ouest. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. C'est moi qui donne l'heure, appelle-moi Big Ben. Allez, c'est parti pour la nocturne. Avec monsieur JP qui est là, qui débarque dans la nocturne. Comment va? Ça va, si, JP les du 9 et Mister JP Zer maintenant. Plaisir de te retrouver. Si, JP. Que vous avez connu en effet avec le groupe Les du 9. Voilà. JP qui évolue en solo. Naissance du 92, tout ça. Genre là en 2015. Voilà. Attends, Fred, deux secondes. Regarde, deux secondes. Attends. Allô, on commence la nocturne? Ouais. Allô, Bamboula. S'il te plaît, laisse-moi travailler. Je sais. Bon courage. Travaille bien. Au revoir. Voilà. C'est un ami. Ouais, c'est un ami. D'accord. Tu vois. Voilà. Dédicace à JP, tout ça. Eh ben, bienvenue en tout cas. JP, ça fait plaisir de te retrouver. Merci. T'es pas venu seul. J'ai l'impression qu'il y a du monde ce soir. Ouais, je suis venu avec mon équipe GoFast Team là, des mecs de Sarcelles, des mecs du 94. Tu vois, Sergi avec Leïla, la seule fille qui est avec nous et qu'on entendra chanter tout à l'heure. Voilà, Disquaire. Il y a Cozy Nyama qui est venu avec son pote Mato. Yeah. Et qui est venu avec son drapeau aussi. Voilà, le toujours, drapeau toujours, RDC, toujours. Jamais sans mon drapeau. Jamais sans son drapeau. Mais on sait c'est qui les meilleurs en Afrique. On sait qui c'est les meilleurs. C'est pas le Cameroun non plus. Ah ouais, on va pas polémiquer sur ces sujets-là, mais on a fait un putain de parcours quand même, tu vois. J'avoue. Et voilà, Fred, on sera peut-être prêt pour 2017. Et moi, j'ai rien dit, c'est JP qui a commencé à chauffer. Hein. Eh, JP, le Cameroun, on en parle. Attends, je fais une dédicace à mon meilleur DJ RG, là, Yann Dakta qui est là. Okay. Voilà, c'est à lui. Viens, oublie le Cameroun toi aussi. On est donné de la force pour JP, Fred. On est là. JP, c'est un grand du quartier, de la ville ancienne. Mmh. Ici, les Moulineaux, Meudon, Boulogne, tout ça. Donc, le frérot, il m'a appelé. Je viens. Bienvenue à vous tous. Pendant une bonne heure, c'est le contrôle de la nocturne JP. On attaque, mais pas avec un. C'est ça ta grande classe? On commence pas avec un de tes sons en fait. Mais si, c'est comme un de mes sons. Parce c'est que ça, il veut pas être dans GoFast Team, il est dans GoFast Team. D'accord, tu vois d'accord. Bah, ouais. Tout, c'est un petit côté parce que, GoFast Team. Grâce à ce morceau, j'ai les yeux qui brillent. C'est un monsieur qui s'appelle Boula, c'est ça? Voilà, c'est avec Boula. Ça va bien, Boula? Yo, ça va très très bien. Et bah, petite présentation donc de Boula, petit CV Express. Bon, rapidement, on vient d'envoyer la Délove, là, ça fait pas très longtemps, ça fait une semaine. On a envoyé le clip sur internet, ça fait 7 ans qu'on fait de la musique. Et grâce à toi, j'ai dit tes téléchargements en plus. Ah, tu vois, j'apporte des téléchargements en plus pour JP. Trop fort. Ça, allez cliquer sur GoFast Team, sur Boula, tout ça, machin. Le clip sur JP sur aussi. Voilà. Boula musique. Et ben on attaque tout de suite. Nocturne, JP au contrôle avec Boula qu'on écoute maintenant. Oui. Disque, Leïla. Sarcelles, je me lève seulement pour la monnaie. Quand l'oseille parle, tout le monde se tait. Une obsession pour les billets. Des verts, des jaunes, des violets. Des love, des love, des love, des love. J'ai besoin de thunes, je te parle de milliers. Une étoile noire continue de briller. Pif, pif, pif, je vais te biffer. Ta meuf est bonne et tu la voulais à tout prix. Suffit de savoir lequel, chaque femme a son prix. Le cash Rambo demande à Ribéry. L'argent n'a pas de terme et donne du coup. Donc vas-y, balance l'oseille. L'oseille. Abbey Studio. Y'a l'oseille, ma gueule. L'argent n'a pas de terme et donne du coup. Donc vas-y, balance l'oseille. Des love, des love. Des love, des love, des love, des love. Pour une chienne, plus le même. La fin du mois, le jour de la paye. Tu prends des ailes, pose une bouteille. La fin du game, plus personne autour de toi abandonné. Quand t'es ruiné, et je les entends te rire au nez. T'as bien fumé, le féfé loué. Retour à la réalité. L'argent n'a pas de terme éteint du coup. Donc vas-y, balance l'oseille. Je me lève seulement pour la monnaie. Quand l'oseille parle, tout le monde se tait. Boula. Une obsession pour les billets. Boula. Des verts, des jaunes, des violets. Des love, des love, des love, des love. Pendant que tu bailles, je veux de l'or sur ma médaille. Donc je vais le chercher dans mes filets. Dis-moi comment on va pêcher. Regarde-les, je les ai semés. Je compte récolter tout le blé. Des love, des love, des love, des love. Et une pour Leïla, une autre pour Jenna. Fire! Allez tous sur la chaîne de Boula. Sur Facebook. Retrouvez tous les sons de Boula. Sur GoFastTeam. Retrouvez Boula. Si, si. Le prochain, je crois que c'est avec Leila. Ça rime en A. 100% rap français. Si, Boula au mic. Il y a du bruit, c'est là. Foutez le bordel. Si, si. Ah, j'adore quand ça crie. Boula. Je sens que je pourrais perdre le fil. Tout dépend des actes, tu sais, le passé te suit. Seul Dieu peut me juger. Laissez-moi ma fierté. Sans me chercher des excuses, je suis perché jusqu'à ma chute. J'exerce loin de mon refuge. Je vais percer même si tu refuses. J'abuse et j'abuse du temps qu'on m'attribue. On a tous le sourire dans ma tribu. De ma personne, jamais un but. J'aime pas quand j'ai bu. Le problème toujours à l'affût. Affamé dans ma rue, ça pue. Condamné depuis le début. Affamé parce que je suis pas élu. Têtu, je sais ce que j'ai vu. Affamé dans ma rue, ça pue. Têtu, je sais ce que tous les gens de ma vie, je sens que je pourrais perdre le fil. Tout dépend des actes, tu sais le passé de suite. Seul Dieu peut me juger. Parce que j'ai beau me tuer au taf, laisser pousser la moustache, je n'aurais fait que des gaffes. Vous demandez à Vincent Lagaffe, de la terre à Vincennes, rien que ça se gâte. 20 centimes pour se nourrir, vraiment c'est vexant. Demande à Listo si la vie n'est pas blessante. De mon piédestal, je redescends avant de finir ensemble. Me faire descendre, qu'on me laisse ma fierté. Je ne suis pas à bande, mais qu'on me laisse ma fierté. Tous les jours ma vie, je sens que je pourrais perdre le fil. Tout dépend des actes, tu sais le passé de suite. Seul Dieu peut me juger. Laissez-moi ma fierté. Et tu saches qui je suis, depuis toute petite je fuis. Cette expérience m'aura tout appris. Il est inutile de dire ce qui peut me nuire. Moi je veux m'instruire, pouvoir élever mon esprit. Je n'ai pas de son à prendre de vous. Je n'ai aucun compte à rendre, surtout pas à vous. Dans ma vie j'étais trop tendre pour vous. Il faut que tu saches qui je suis. Cette expérience m'aura tout appris. Tous les jours ma vie je sens que je pourrais perdre le fil. T'as vu Fred, l'ancien il est toujours là. Hein. Yes. Ah ouais. Faites du bruit pour Ayla les gars. Elle représente. Si si. Le prochain, tu vois, c'est toujours comme ça, c'est du GoFastTeam. Hein. Allez télécharger, c'est disponible sur toutes vos plateformes. GoFastTeam officiel, c'est Facebook. Et ça c'est toujours du lourd. C'est toujours du GoFastTeam. C'est toujours avec Boula. Aïe. Boula. Bientôt dans vos oreilles. Fire. Ah ce son je le kiffe. Ah oui oui. Ah je l'aime. Ah oui. Que du lourd sur GoFastTeam. Tu m'accroches, tu m'approches, je viens me remplir les poches. Tu détruis ce qui est moche, tu erres sur l'avenir hoche. Ce qui cloche dans mon crâne, je n'écoute que du Peter Tosh. JP, capitaine crochet, facile de vous faucher. Fauché, toujours fâché, en danger, pourquoi se cacher. En souplesse, je m'engraisse, laisse-moi faire même loin de ma tête. J'ai le réflexe, en finesse, jamais je me prends la tête. JPZR, Nemo, A2S. Même si dans ma vie j'ai plus de problèmes que de solutions. Charbonne, je cabale, je tape à la hauteur mes ambitions. Mes ambitions. Tu cherches des problèmes, je connais déjà la solution. On se reverra peut-être à ma sortie. quartier comparution. Des problèmes. Si tu nous cherches. Des problèmes. On sait faire face aux problèmes. Vous êtes neuf mon pote. Ici. Des problèmes. Faire enculer. Nous on s'est fait tout seul. Restreindra notre comité. Passos dans le mauvais oeil, ouais, plus d'éther que jamais. On rentre dans le tas sans faire de ciné. Ils m'ont vu en rien, je retourne leur veste, mon cœur, c'est fait des ma et des gènes. Beaucoup plus de hargne, beaucoup plus de cash, je veux péter, grosse féfé. Mettre à l'abri la remet, ouais, ramener ma part de progrès. Tu m'as vu à terre, me tends pas la main. Tant pis, je vais me relever. Noir comme Osiris, j'aime la street, la représente comme Chief Keef. L'Afrique comme carburateur, je puise ma force dans la douleur. La haine est dans mon cœur, déchaîné, je suis de mauvaise humeur, ni sa grand-mère la boutique. Mais sinon ma vie j'ai plus de problème que solution. MER, non ma gueule, ouais. Docteur 3-0 et 2-S-Y. Ma gare à la fer, si leur mère causer, si leur frérot flow. Des problèmes. Si tu nous cherches des problèmes. On sait faire face aux problèmes. Ça c'est pour tous les vrais. C'est pas pour les boucaves. Ils vont finir dans une cave. Mon gros, t'inquiète pas qu'ils le savent. Ça c'est pour mes négros. Ça c'est pour mes rebeux. Pour tous ceux qu'on est gros. Tous ceux qui fuck les bleus. De fait que ce terreau jamais trouvé à couper. Que des supporters, des hooligans qui devaient être dans la foulée. Vous comparez à moi, vous n'aurez pas le choix. Si dans ma vie j'ai plus de problèmes que de solutions. Charbonne, cavale, je tape à la hauteur mes ambitions. Gros, si tu me cherches des problèmes, je connais déjà la solution. La solution. On verra peut-être à ma sortie de comparution. Des problèmes. Si tu nous cherches des problèmes. On sait faire face aux problèmes. Les problèmes, mais j'avance quand même. Même si dans ma vie j'ai plus de problèmes qu'une solution. Charbonne, je cavale, je taffe à la hauteur mes ambitions. Flo, si tu me cherches des problèmes, je connais déjà la solution. Gros, dissipé, on trouvera si, peut-être à ma sortie de comparution. Des problèmes. R-I-M-O. You go. Sauce Jimmy, sauce Dylan, me donne la ferme quoi. Même si dans ma vie j'ai plus de problèmes que de solutions. Charbonne, je cavale, je taffe à la hauteur de mes ambitions. Gros, si tu me cherches des problèmes, je connais déjà la solution. On se reverra peut-être à ma sortie de comparution. Des problèmes. Si tu nous cherches des problèmes. On sait faire face aux problèmes. Animal. NTV. Ouais. C'est la nocturne. Aïe. JP au contrôle de cette nocturne ce soir et ce morceau qui s'appelle Problème. Voilà. C'est un petit single avec Boula comme d'hab, tu vois. T'as retrouvé dessus Cassidy, A2S, Vindasad, mon sauce Nehneh qui est toujours là. Tu vois pas, c'est ici les Moulineaux, I2SY, avec mon sauce Jirai qui est là aussi, tu vois. Et ça, ce morceau, on peut le trouver, JP, ou... Ça, tu pourras le trouver en, tu vois, à partir de mi-mars en téléchargement. Mi-mars. Voilà. Là, pour l'instant, tu vois, comme j'ai commencé le projet avec un gars qui s'appelle Kozinyama, tu vois, et on a fait un morceau qui s'appelle un peu Number One. Ouais. Oui, tu as vu, ça parle un peu de son pays, laisse-lui parler. Ouais, parce que t'as vu, on est là, on parle de la CAN, tout ça et tout, mais on oublie qu'il y a des vraies choses qui se passent au Congo, tu vois, la guerre, tout ça. Les familles, les femmes violées, un pays super divisé, tout ça. Et nous, on a fait une marche il y a 2-3 semaines. Il y avait 700 personnes en plein Paris, ça va, bon. Il y en a, ils ont répondu présent, c'est très bien même. Moi, j'ai été avec Poison, tout ça. Et il faut pas oublier les problèmes, comme le disait JP. Voilà, des très gros problèmes. Et JP m'a invité sur ce morceau. Bien entendu, j'ai répondu présent et j'ai lâché la plume pour le bled, quoi. En Ingala, le prochain morceau, c'est number one à Ingala. Eh ben, on va l'écouter maintenant. C'est pas parce qu'ils sont pas en finale qu'ils ont pas fait leur. Non, c'est pas ça. Et voilà, pour dire aussi que la semaine prochaine, justement, pour tout ce qui se passe au bled, Poison, là. Il nous a réunis un peu, moi, ouais. Despo Rucci, Grodash, Escobar Maxon, PO. Et on va faire Étranger Mission 2, un gros son qui va arriver la semaine prochaine, vendredi. Il est très lourd, le son. Très, très, très, très lourd. Bah, tu vas l'avoir en exclu, je pense. Et bon, on découvrira ça la semaine prochaine. Yeah. Et là, en attendant, gros big up à mon sauce Captain Kwasi au refrain. Yeah. Captain Kwasi. Number one. Number one is in the house. Faites monter le 11 dans la cellule, dans les gauves, partout, au télo. Y'a rien, ça bouge pas. I2SY, force. I2SY, force. Meudon, Nanterre, Colomb, Bannière. Number one. Numéro uno. Alpha mort flip un mot. Numéro uno. Cosi Nyama JP Nyama Nyama J Mayo Privati Corps Chim Nyama Nyama numéro uno. Comme la team de la CLSAO 6007, le Lutron de ma Titi, c'est le tarot. Le ticket est bas, le niveau est trop élevé, je te laisse sur le carreau. Je suis le 25 décembre, ma star, mais je ferai jamais de cadeau. C'est le retour des hôtels, Nyama sur ta playlist. MC, tu te dis hétéro, mais tu suis c'est des pénis. Tu cherches le buzz, le million de vues, je cherche du rallye. Comme tu dirais Fali, je suis pas le hier, mais le prochain sur la liste. Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Haute Seine à tout jamais. Aïe aïe. Ternan. Ouais ouais ouais. Cité Rose West Side. Pablo Picasso. Canigou. Pacrette City, Agnès, GGN, lui. Toujours au top, jamais de mytho. Toujours en forme, la quand qu'il faut. Toujours au max avec mes potos. Jamais en perte mon niveau. Number one, number one. Tu veux dominer, passe par one. Ça veut péter mon niveau. C'était Rose Side. Zucker, libre, blabla, aïe aïe. Samoine, on est ensemble, ouais. Gazidja, Carcivan, ou j'ai. Gazidja, ouais. On est comment? Je calcule 2, 6, 9, ouais. JPZR, Akosi, Capitaine Kwasi, Number one, 2-3-7, Number one, aïe. Number one, Number one, Number one, Number one. Captain Kwasi. Number one. Hey, là on retourne en 1997. JPZ. Je suis obligé de te baquer, JP. Voilà, a.k.a. Monsieur Rodriguez. Aïe. Dédicace à l'ancien Douman. Numéro 12. Association malgré bien sûr que je marche seul. Je suis toujours plein dans le larfeuille. J'ai atteint mon seuil. Cupide et pas stupide. Subtil, j'ai l'attitude. Une question d'habitude. Je grandis dans le dur. Maintenant que je m'en tire, que c'est dur. Tu connais ma définition. Mission, j'aime la finition. J'encule la trahison. Crache sur vos positions. J'assume mes ambitions. Ambition. Number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Hey, go fast sur toutes les plateformes. Allez, n'hésitez pas. Allez, pécho, go fast. C'est du lourd. Tim Yama, les pécho. Aïe. On est avec du monde ce soir. Vous allez voir, c'est Fixi O. On est à la banque. On est Sam Sam de VO. Champigny Bois la baie. Mordax. Yeah. On est ensemble les gars. Ça bouge pas. Team Yama. 690. L'homme à battre bientôt. Si. Go Fast Team, n'hésitez pas à les retrouver. Go Fast Team, disponible. Tu vois, il y a le single qui est là, Fred. Merci beaucoup de nous recevoir. Là, on va te kicker un freestyle d'ici une dizaine de minutes. Tu vas avoir peur. Tu vois, là, j'appelle mon sauce care, là. Yeah. Et son sauce bise. Hein? C'est le coup de. Hein, disquaire? Vous êtes où, les gars? Les fouilles pleines, ça part au couille, c'est moi qui vous saigne. J'aime être près de mon bolide, tu m'en boules, c'est moi qui te ken. La vie est une chienne, pas de remède. À qui tu veux que je m'en remette? J'ai un calibre pour être honnête. S'il fallait que je tire, je suis précis et net. J'aime être avec mes sens pour faire un max de billets. Monnaie, on est tous impliqués. Trop de douleurs à essuyer. Oseille, on est tous prêts à braquer. Vraiment trop de frères ont craqué. Moi, j'aime l'oseille. Moi, j'aime l'oseille. Si tu bouges, écoute bouteille. Si tu bouges, écoute bouteille. C'est un braquage pour mes rêves. C'est un braquage pour mes rêves. Silence, on est tous violents. Silence, on est tous violents. Moi, j'aime l'oseille. Moi, j'aime l'oseille. Si tu bouges, écoute bouteille. Si tu bouges, écoute bouteille. C'est un braquage pour mes rêves. C'est un braquage pour mes rêves. Silence, on est tous violents. Silence, on est tous violents. Travaillez-moi ça mal à fait. Car l'État voudrait nous mettre des fingers. Demande-moi d'enlever mes lacets. J'arrache le bide comme un stinger. Ça sent le décès. Mais faut que j'anticipe. Ils veulent me blesser. Car je resterai toujours en tige. Celui qui se balade le vent à l'air. J'ai pas honte devant leur mère. Même si cela mette devant derrière. Je m'en bats les couilles. Je fais mes affaires. Mais dis pas qu'on descend d'un arbre. Dis pas qu'on descend d'un arbre. Y'a que les racines du vice dans nos vies. Qui se font nourrir de nos larmes. On a tous vécu dans la tèche. Je t'assure que tu peux garder la pêche. On a fait des bails chauds pour avoir la pêche. Forcément qu'on allume la mèche. J'ai un stress, n'a pas de polo. J'ai un mis en pas de 80 et de calme. J'ai en de la vie, moi je rame. Moi, j'aime l'oseille. Moi, j'aime l'oseille. Si tu bouges, écoute bouteille. Si tu bouges, écoute bouteille. C'est un braquage pour mes rêves. C'est un braquage pour mes rêves. Silence, on est tous violents. Silence, on est tous violents. Moi, j'aime l'oseille. Moi, j'aime l'oseille. Si tu bouges, écoute bouteille. Si tu bouges, écoute bouteille. C'est un braquage pour mes rêves. C'est un braquage pour mes rêves. Silence, on est tous violents. Silence, on est tous violents. Je viens demander juste une minute de silence. Une lueur d'espoir. Il n'y a pas que sur scène que je règle les balances. Je règle les balances. Tu peux passer nous voir. Tu veux des flots mais tu n'as presque plus de l'oreille. Je vais t'en donner plus. Je fatigue depuis tant d'années. Étant donné que tu graves même l'amitié. Je te donne le droit de chanter le refrain. Mais juste pas pitié. Moi j'aime l'oseille. Moi j'aime l'oseille. Tu bouges tes bouteilles. Si tu bouges tes bouteilles. C'est un braquage pour mes rêves. C'est un braquage pour mes rêves. Chez moi, au calme, c'est du blues. Le love, pour fast team, ma gueule, j'ai un achievement. Les essais, ma gueule, les péchés. La planète rap, nocturne. Sur Skyrock, nocturne. Il est où mon gars Joss là? Il est où mon gars Joss là? Il est où mon gars Joss là? Il est où mon gars Joss là? Il est où Joss là? Kamel, c'est comment? Il est là. C'est comment le Kamel? Parle-nous de bitch, parle-nous de money, parle-nous de street. On défend cette vie de merde. Pourquoi tu nous chères? J-P-Z-R-J-O-S, viens d'être camère. Volume 3, j'suis trop spin. J'suis trop spin. Dans le game, j'veux du chiffre. J'veux du chiffre. J'avance en long, je kick. Qu'on fasse ma pêche, j'rapplie. Hey. C'est le seul homme, mon grand seul homme. Eh, hey, Fred, ça bouge pas. Comme ça, c'est fait. Eh, hey, Fred, ça, yeah, c'est le jeune talent de Cozy, ça. Tu vois pas? 9-3, 9-3. Oh, 9-3. Joss, c'est la nocturne. C'est la famille Joker. Luca Tony, Joker. Alors, qui nous présente le garçon qui était avec toi sur ce morceau? Bah, vas-y, Joss, reste là. Ouais. Tu vois, je vais appeler même Disquaire. Vas-y, ouais. Dis, venez là. Bon, parce que c'est Insolence Music, 937. GGR, tout le monde, et puis voilà. Et après, on va voir la suite, c'est tout. Eh bah, écoute, bon courage pour la suite, en tout cas. Si, si, merci. Il a fait un gros son, il a fait un gros son qui s'appelle Mélomanie avec moi. Ouais. Disponible sur YouTube, allez le guetter. Et on peut aller cliquer. Ouais, allez cliquer, cliquer, cliquer. Petite présentation aussi du morceau qu'on a balancé auparavant. Coup de bouteille. Coup de bouteille. Disquaire, le groupe. Moi-même, Diz, mon ami Disquaire. On est en préparation d'un petit street album en ce moment. Donc, on vient soutenir activement Go Fast Team. Donc ça vient du 91-92, on est là au calme, ça bouge pas. On soutient, on lâche pas. Eh ben merci d'être là aussi avec nous, il y aura un merci live. Merci à vous. Un live qui se prépare, JP, hein, dans quelques minutes, il y a un gros live qui se prépare. Voilà, on a encore 2-3 sons à écouter. Qu'est-ce qu'on met là maintenant d'ailleurs, JP? Je crois que tu vas mettre le son avec le gars qui est pas là, qui s'appelle Poison. Hein. Tout à l'heure on va finir avec C'est là-bas, celui-là. Donc, Poison Mike. Tu vois? Eh ben on peut y aller, c'est parti. Tu l'as Poison là? Bah ouais, le morceau Assad, Poison, JP. Voilà, parce qu'il y a un gars qui s'appelle dedans, Joke, attends. Voilà, Joke. Viens devant le Jean Moïse. C'est ton track. Dédicace à celui-là, dis-le où? 7-8. Noniki. Aïe. Ah, la Joko. RDC. Man. Aïe, aïe, aïe. Yeah. On fait du rap, là, on fait pas carré. Non, non. Pour se faire, pas besoin des Qataris. Ouais. Non, non, non, non, c'est autour de Marseille jusqu'à Paris. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça t'arrive. Force de kicker des micro-poteaux, on a fini par en cramer. J'ai pas encore atteint mon but, mais bientôt je m'arrêterai de ramer. Rapper Kishingazija, Gamjo Juan, Izzy Fanyé. On m'a pas appris à écrire, mais j'ai appris mes textes à me manier. Négro plus que des terres, tu sais bien, je représente mon terre-terre. Le ballon, le micro, pas quel domaine, j'ai toujours voulu ses pères. Du 7-5 au 9-2, j'ai porté mes sons. C'est le rap des Mzungu, mais à ma façon. Une tassade. On fait du rap, là on fait pas de rire. JPZ, j'ai aucun animal. Pas besoin des Qataris. Let's go, on est là. Non, c'est tout de Marseille jusqu'à Paris. Bang, bang. Dans jaillir sous nos sons, ouais, ça t'arrive. J'commence à me faire vieux dans ce game de merde. Donc nique sa grand-mère. Quand tu me vois faire un vœu, j'ai tout fait tout seul, personne m'a renvoyé l'ascenseur. Ça y est, j'crache du feu. Vos rappeurs de merde, c'est tous des suceurs. Avec leur flow boiteux, ces chiens ils se prennent tous pour des précurseurs. Je les baisse, niggas. On m'appelle Pitchis, le phénix de ZZ. On fait les dièses, niggas. Avec JP de l'Est du Neuf. Pendant que vos rappeurs préférés lèchent des gros culs de meuf. On dirait de la tête. On fait du ramna, on fait pas crari. Pour se faire, pas besoin des Qataris. Non, son tour de Marseille jusqu'à Paris. Bang, bang. Quand j'aillais sur nos sons, ouais, ça t'arrive. Moi j'aurais fait du rap sans faire de chichi. J'aurais appris à marcher avant de courir. En évitant la zone prise, je suis fâché. Poison, à deux ailes, ça va cracher. Qui au plancher, c'est go fast team. Non, je joue pas les gangs. Sans mauvais, qu'est-ce que tu fais? On est là. Toujours moi, ouais, je suis carré. Dans mon crâne, ouais. Carré. T'es un chien de flow négro. Je m'en lave les mains, Igo. Casse des dents, c'est lui qui a lancé. Non, ville pas de salive. Pas besoin des canards. Jokal animal, Magnum dans le slip serre. J'aime les femelles au gros bzère. C'est mal viscère, mais nique sa mère. Ça me fera plus de paix. Je la repère. Prends sors là et fais ton coq. Ici y'a pas de salope, reste dans ta tête. Si t'as rien dans le frac, baisse le froc, lève le glock. Tu baisses, viole les jaunes verts. Sors les calaches comme à Marseille et des fourrailles comme à Nanterre. J'ai aucun de ces on n'a pas ton putain de niveau. Va niquer ta JPZR, poisson. On fait du sale, va falloir que tu rases. J'ai aucun animal, on fait pas des riz. Non, non. Pour se faire, pas besoin des Qataris. Ouais, ouais. Non, non, non, non, c'est autour de la scène jusqu'à Paris. Quand j'aille sur nos sons, ouais, ouais, ça t'arrive. A deux S. Aïe, aïe, aïe, j'ai aucun animal. Aïe, on est là, frère. Ouais, ouais, ouais. Poison. Go fast team. Gup. C'est tué. Go fast team. Planet Rap. Notre la jolie. Sur Skyrock. Turne. Si, si, Fred. Ça, c'est un petit hit avec Cynic, A2S et Boula. Vas-y, mon sauce Boula, ça pas de gérer ton sommet. Si, si, au calme, c'est toujours sur Go Fast Team. Si, si. La haine qui s'agisse, les keufs, les pères, qu'ils malgré le temps qu'il fait dehors, il pleut des balles et je suis pas mort. La haine qui t'agisse. Les gens, je m'en pas les couilles, je les baisse tous comme Teddy Riner. Ah, trop de haine, on dirait Freezer. Bref, je vous les mise, ouais, je crève le téléviseur. Mais j'ai toujours survécu. C'est mon boulot, la vie c'est rose ou plein de merde, comme un rouleau de PQ. Je connais ça depuis tout petit. Regretter et pleurer, j'ai vu la mort effleurie. Plus rien ne peut m'effleurer, j'avais la gueule du coupable. Fusillade et thug life dans les l'Essonne comme un Tupac mais tout pâle. Une vie grise en tracite, sans principe. Des futurs bisons futés spécialisés dans le trafic. J'aime le son quand il est hardcore, plein de noirceur. Tout le contraire de tous ces farceurs. Je connais pas le pays des merveilles. Impulsif qui rappe dur, nique sa mère. C'est énergie, me trouve énervé. La haine qui s'agisse, les keufs, les pères. La puissance vient du 80 tous au tel. La sentence est irréversible, obscène. La black team en black knight veut du zé. Yo, la black team, fuck la black. Et la Mondeo, fuck la Mondeo, ma gueule. Au lundi, H24, y'a pas d'heure, mais toujours des Yankees. Black knight, des crimes sur dédicace aux 7 dudes, NLR, Joseph Style. Comme des épreuves, on commence à souffler du temps, un peu comme Taylor. Je me sens toujours bien entouré comme dans un mirador. Mirador. Rien de bizarre, ton destin est déjà tracé. Quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, gros, la mort viendra passer. C'est le 9-1, c'est le 9-2, ouais. C'est les hautes scènes, c'est les sons, on craint personne. Les masques tombent, les sus plombent. Tu te réveilles d'un cauchemar, c'est la nuit noire. Les keufs, les pères, malgré le temps qui fait dehors, il peut déballer, je suis pas mort. La haine qui t'attise, les keufs, les pères, malgré ce qui se passe, faut rester fort. On se reverra une fois dehors, c'est la lame. Je prends le quart de tour, j'ai plus de tête d'avance. Depuis le temps, j'attends mon tour, je commence trop à tout savoir. Plus grand chose qui savoure, sévère. Je le suis à mon tour, sincère. Je le suis tous les jours, en galère. Négro, toi tu cours tous les jours. La vie a fait de moi ce que je suis. Preuve à l'appui, la police me suit tous les jours. Et moi je manœuvre, je suis dans mon œuvre. Je suis de spi, prêt au défi. De qui tu veux que je me méfie, mec, je suis de spi, prêt pour le défi. De qui tu veux que je me méfie, S-I-N-I-K, A2S, J-P-Z. Si tu cours, pas stupide. Allez chercher ça, c'est dans les dehors, il pleut des balles et je suis pas mort. La haine qui t'attise, les keufs te perdent. Malgré ce qui se passe, faut rester fort. On se reverra une fois dehors. C'est la 9-4, Black Knight, oui, oui. Go fast team. Dacta, Red News, Abyss. Y'a le premier pour les frères. J'y vais sur mon H1. Là j'appelle mes gars de mes gars qui fument la weed, hein. Il est où Bad? Il est où Boulbi là? Après on va enchaîner avec Sen et Marne. Il est où Boulbi là? Il est où BADD? BADD, il est où? BADD! Non. Nous ce qu'on connaît c'est la street. Funk les perquis, funk les schmitt. Je vais aller chercher les prix. Le but c'est un max de fric. Un gros joint de weed, gros je m'applique. La clientèle rapplique. C'est putain qui est bis du plic. Plus de beat sur la jig. Y'a pas de star ici. C'est Boulby Square, nègre. Drapeau noir, équipe noire. Tout est noir, ma gueule. Viens pas chez nous faire le ouf. Les armes pour que tu te couches, déconne. J'ai trouvé ma fille en train de jouer avec des cartouches, les gars. Oui, ma oui, ma oui, ma oui, ma oui, ma oui. Oui, ma oui, ma oui, ma oui. Ma oui, ma dé. Ma oui, ma dé. Où est faire du chip d'affaires? Où est faire mieux qu'hier? Si pousser des billets vers le monde refait la prière. Des kills on enchaîne. Des bitches se déchaînent. Jouant de weed pour mon arena. Colombe ma gueule. Et moi je vois bien un Zeti. Pour la ma. J'fume et j'pense à ma vie. Pour mon noir cousu de chi. Que la frappe dans les hautes scènes. Prends ton pocheton et lâche ta ça. C'est Nabi, il est. On est ensemble, les gars. Comment je fume, mes poumons j'habille. Quand je veux, je te fume. Négro, je suis dans le cri. Tu pousses des cris, moi je fume. BAD, A2S, JPZR, Moha, t'es vénère, je vois, je suis pépère. Qu'est-ce que tu crois, c'est Boulby? Meudon, Val, Fleury, le souci finira fleuri. Ce coup-ci, je ne doute plus. J'ai mûri, jamais apeuré. Je suis jusqu'à en crever. Je croque ma life, j'ai les OCP. Allez, pêche en gros, pas Steam, ma gueule. Ma oui, ma oui, ma oui, ma oui. Oui, ma oui, ma oui, ma oui. Ma oui, ma tête. Ma oui, ma tête. Eh, Fred, mets ça, c'est direct. Comme ça, on enchaîne après. On enchaîne bas, derrière. Oui, ma oui, ma oui, ma oui. Ma oui, ma tête. C'est pour tous les mecs de Sarcelles, Listo, Sissi, hein. A qui tu veux que je passe un big up à part à ton sauce bien. Sarcelles à M-Fury, la haine on a mûri. Boulby dans l'écurie, écœuré, tu t'es gouré. Sarcelles à M-Fury, la haine on a mûri. Boulby dans l'écurie, écœuré, tu t'es gouré. Débarque, trop débarque, comme des Audi on débarque. Dans le chargeur, faut des balles, parle pas avec eux, c'est pédale. C'est ce que m'a dit Bagar, pas de débat, que je déballe. C'est deux balles, c'est train de balles, bien sûr que je les baisse de basse. Full bus quoi, autre école, gros joint d'air quand je décolle. Au-dessus de chaque époque, peu pont sur chaque épaule. Qui veut ma peau? Que je l'arrose, à Meldaden comme D-Paul, j'rentre dans le tas comme D-Rose. Sarcelles à M-Fleury, la haine on a mûri. Boulby dans l'écurie, écœuré, tu t'es gouré. Sarcelles à M-Fleury, la haine on a mûri. Boulby dans l'écurie, écœuré, tu t'es gouré. Négro, j'panique pas, j'suis toujours à l'aise. Si tu niques pas, faut que tu pèses. Si la liste au R te donne au dièse. Sarcelles me donne Val Fleury, j'suis pas rebelle, j'suis qu'un mortel. Qui veut sa part du gain, n'est plus en chien que des païens. Négro, quand tu veux, je sors l'engin. Avec ou sans gamme, je kick sale. Bolos, BAD, JPZR, Moha sur terre-terre. Sarcelles à M-Fleury, la haine on a mûri. Boulby dans l'écurie, écœuré, tu t'es gouré. Sarcelles à M-Fleury, la haine on a mûri. Boulby Boudis dans l'écurie, écœuré, tu fais courir. T'inquiète pas, les jaloux, je les baisse. T'inquiète pas, les yeux qu'on fait à l'aise. T'inquiète pas, même si je suis pas balèze. T'inquiète pas, gros, ta meuf, je la baisse. J'y suis souvent entre le mal et le bien. Car je sais que des chiens, y'en a putain. Trop de bâtards qui font les malins. Fais attention, tu vas manger ma main. Comme du pain, petit se gâtin. T'as passé mes négros, pas ni aïen. Mené en rang, moi, j'ai devant moi. Au fait des terres, j'ai cassé mes freins. Un conseil ne reste pas sur mon chemin. Je vais te découper, te casser tes reins. Je vais te découper, te casser tes reins. Je vais te découper, te casser tes reins. Ça, c'est la mûrie. La haine, on a mûri. Boudi dans l'écurie. Maintenant, si, c'est dur sur vos parties. Enchaîne, haute scène, c'est les marres. Après Sarcelle, Big up à Pasco. Aïe, aïe, aïe, aïe. L'animal galé. C'est pour pas steam sur la nocturne de Skyrock. Négro, je veux que tu veux Négro, tu veux un freestyle. Vas-y, Négro, enchaîne. Négro, au scène cinéma. Négro, au scène cinéma. Sarcelle, aïe. Raidé, prends le micro, prends le micro. Arrache ton micro. Arrache ton micro. Arrache ton micro. Contre la main, ouais. Luco, Mohamed, c'est le Biden. Ok, ok, time. Violent comme un rappeur, au scène cinéma. Au scène cinéma. Tout a des armes, au scène cinéma. Violent comme un rappeur, au scène cinéma. Tout le monde a des armes, au scène cinéma. Je suis venu ouvrir les balles. 77 cinéma, on en veut le graal. Laisse-les parler, laisse-les parler. Trap, monnaie dans le football. On a quoi vous ravitailler, tailler. Quoi qu'on dise, on fait le tas. En studio, pour faire monter le star. On monte en grade, c'est pas le moment de fléchir qui va monter sa gare. Monter sa gare. Bénéfice et chiffre d'affaires. Pour la famille, on est chaud comme les flammes de l'enfer. Blanc comme un rappeur, au set cinéma. Tout le monde a des armes, au set cinéma. Violent comme un rappeur, au set cinéma. C'est pour mon gars Dani Plaza. Mais à ma moto, vas-y, check ça. Mon taxi dit ça, kick ça, le don. T'inquiète, ça se passe comme ça. Toujours au top, toujours là quand il faut. De l'oseille, oui, il faut. Respect pour les anciens qu'on brasse et ramé. Porter leur couille sans jamais lâcher. Une esprit nous entoure, nous fascine. Pour des euros gros, crois-moi, ça tartine. Dédicace au poteau, y'a ma moto. C'est la mine. Représente les quartiers en galère. Haute Seine, Nanterre, c'est le terre-terre. JP, A2S, Spike, TXL. Je sens les secours. Violent comme un rappeur, au scène cinéma. Tout le monde a des armes, au scène cinéma. Violent comme un rappeur, au scène cinéma. Tout le monde a des armes, au scène cinéma. On s'en bat les couilles, on est tous des dingues armés, ça tire. Tu peux pas parler de la tôle. Tu connais pas, c'est pas les fémitons. On t'a jamais enfermé. Enfermé, et ton flow est encrassé. Chassé, j't'ai démasqué, bâche des balles débridées. Te fais pas trop d'idées. J'arrive pour tout niquer. Mon flow est enflammé, j'arrive comme une comète. Tu es là pour te mettre à nu. C'est la rue qui reprend son dû. Regarde, regarde, j'suis pas un roi. Dans les keufs, y'a pas un mot. Dans ta meuf, y'a pas un gars. Dans le business, j'suis trop réglo. Cigare, cigare, Monte Carlo. Fais douce sur le capot négro, je vais tout niquer. Fais douce sur le capot négro, je vais tout niquer. Violent comme un rappeur, au scène cinéma. Tout le monde a des armes, au scène cinéma. Violent comme un rappeur, au scène cinéma. Tout le monde a des armes, au scène cinéma. C'est le 9-7-7. Plein de bœufs quand ça pète. Tu caches ton jeu, tu prends la tête. J'suis dangereux, c'est un fait. Au scène cinéma. Je reconnais dit numéro 12. A2S pour le 92. Baidé pour le 7-7. XS, on est dans Scarface. Déstress, pourquoi tu stresses? Dans le business, on nous déteste. En finesse, moi j'excelle. La fumette me rappelle qu'on a pris de l'âge. Moi je prends de l'âge. Au scène cinéma, tout le monde a des armes. Au scène cinéma, violent comme un rappeur. Au scène cinéma, tout le monde a des armes. Au scène cinéma, bang bang, bang bang, A2S. Aïe aïe aïe, Chipé. Ambiancez-vous. Ambiancez-vous, c'est la base. Chef de représentant. Chef de représentant, poteau. Bang bang. Alpha, c'est ça la base. Chef de haute scène, c'est la base. Ramé dans la lucarne si tu me fais la passe. Trop propre pour être un chien de la casse. Tu m'envoies des piques, négro, je te baise avec la joie. Je baisserai jamais mon fut dans la langue de pute hypocrite. Faut que j'en putain. C'est un fou la tasseur et chanson plus pour du loup. Boutin, mon casier est tellement chargé qu'ils veulent en faire un bouquin. Y sur la SO. Jamais me servi qu'on SO. J'ai pas nagé, je marche dans ton rap. Je me gère une calage pour 2000. Je suis un enfant seul comme Osmo. La vérité, tu sors de ma biche. Jim Yama soudé comme les mains. Nous, je mange droit de Kujar Sam. Si je te touche, ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Chicha, Bilan, Roma, Soko, le voir. Proto, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Ouais, c'est ça la base. Tu sais, pour moi, Bantou, Gamos, Kiko, c'est ça la base. JPZ, ça c'est mon blaze, me donne la ferme, ça c'est la base. Tu vas l'hiver, du jeu de base, un peu picard, et je passe. T'as tout mon goût, et j'ai fait des heures. Ma signature, avec mon signama. Fristin, il est où mon sauce, Jirai? Jirai, viens ici. Ça c'est pour toi que j'ai fait ça là. Viens le petit peu. Viens. Ah, Yama, excuse, il fallait que je le mette avant le freestyle. Vas-y, donne-nous le casque. Jirai. Après, on va enchaîner un petit freestyle avec. Jirai, on va commencer avec Mayo. Là, c'est d'abord pour faire plaisir à mon sauce Z Jirai. Ça, c'est son son à lui. I2SY. Avec nous, ça, mon frère. 09. Aïe, matin. Ici. Dis-leur, on est pas là pour blaguer. Dis-leur, mon négro, on fait du cash, on fait du zéro. Dédicace en poteau, t'as les barillons. Pas que c'est la verre qui incarne un scénario. 9-2, Hauts-de-Seine, Nanterre, c'est clair, matos, peu fra. 9-2, Hauts-de-Seine, Nanterre, fumé, tapé, j'ai ça. Association criminalisée, Rebenard, Renoir, c'est normalisé. C'est fâché, déblasé, ramène tes meufs, on va les épuiser. Le pic qui fait gros son cul pour les vrais. Bouge ta teuté, vas-y, bouge ta teuté. C'est des airs de retour, ça va faire mal, trois mois, ça va aller tout. Dealer dans la cité, dealer dans la cité, primeur de mon côté, tu des killers dans nos quartiers. Dealer dans leur cité, dealer dans ma cité, primeur de mon côté, tu des killers dans nos quartiers. Je parle de tous ces MC, tous des bras cassés. Appelle-moi Jirai, mais si pas longtemps du rap français. C'est pas que la musique, MC, c'est pas tout parler. Faudra qu'on les fusille, on n'est pas là pour blaguer. Dealer, qu'on n'est pas là pour blaguer. On arrive dans le game, force est de les braquer. Force est de constater l'ampleur des dégâts. J'ai vu ma mère en pleurs, elle m'a dit dégage. J'ai commis des erreurs, j'ai dû les payer cash. Brave commis d'office quand t'as plus de cash. Cash. Pas là pour blaguer, mais pour ramasser le cash. Cash. Dealer, à tous ces fils de lâche. Oh. On est là, c'est pas par hasard. Même si t'attires les paparazzi, j'fais la dive comme Eden Hazard. C'est lâche, c'est fils de nazi. Sans instinct, trop fait l'histoire. 1 million, fuit le territoire. Faut que la France fasse son histoire. 13 millions, plus et pour toi. Toi, je te vois flou, jamais à bout de secours. Je vois d'enchaîner un sourire, on a les engins, jamais. Bah oui. Eh, on était bouillants, t'as vu ça? Ah ouais, c'était chaud, ma gueule. Ah, c'est agité la nocturne, là. JP. Ils ont faim, les humains. On a faim, on a la dalle. Bon. Eh, j'ai pas fait exprès, frère. Garcinanzaya. Est-ce qu'on va passer au live maintenant? On passe au live direct. Alors, Mayo, il faut que Boula me refile son instru, hein, parce que Boula. Voilà. Mais d'abord, on voit l'instru de Mayo, là. C'est lequel La roue tourne, la roue tourne. Pull up ça, pull up ça. Ok. 4-0-S, la roue tourne. C'est parti. Maintenant, en live. Ouais, j'ai mis des. On dit quoi? Est-ce que les gars ils sont là pour le freestyle? Il est où le gars d'autre scène? C'est Neymar. Hein, Biden. T'es dans le bloc, tout te paraît cool. T'es loin d'imaginer que t'auras des poules au bout. Tu fais des sous, donc attire les fous. T'es dans les stories stupéfiants et de cagoule. Go fast, électron que t'es cool. Perquise, les condés qui déboulent. Tu le plus risqué, ils sont devant ta porte. Des camions keufs de toutes les sortes. Yo, t'es rattrapé, t'es de côté. Devant la juge, t'es présenté. Présenté, t'as pas eu le temps d'être jugé. Une chose est sûre, c'est que tes armées ferment ta purgé. Tu fais du sale, la roue tourne. La roue tourne, la roue tourne. La roue tourne, la roue tourne. La roue tourne, la roue tourne. La roue tourne, pour la perdre. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, tu nous mets bien, bien, la roue, la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne, la roue, la roue tourne, la roue, la roue tourne, la roue, la roue, la roue, la roue, la roue, la roue, moyo, LRT, la roue tourne, un, play. Oji Bobby Johnson. Écoutez, écoutez. 9-2, Team 6, Zro. Dédicace à Igno. 9-2, Team 6, Zro. Wesh, Jimmy. Dédicace à Igno. 1-1, Team 6, on s'y croit. Armé dès qu'il y en a qui tombe. Au star, on l'oublie. On l'oublie. Ok. Ok. On se dit frère, mais dès qu'il y en a qui tombe au star, on l'oublie. On l'oublie, on l'oublie. Les sadiques, les prêtres, les ministres, les juges, ainsi que les toupies. J'ai le seul coffre dans la boîte à gants. Niama, t'en as dans le pif. T'as pif. On est prêt à tout pour rester en vie, ainsi que pour le gros pif. Twitter donne des ailes, tapette tout comme la Red Bull. Certains comparent à une heure, jazzer, puis que je m'arrête plus. Nous comme Mikael, Siani, pour tout souver, amène à mon chat. Numéro 10 sur le terrain, énervé comme l'équipe de la Moncha. Avec ou sans soutien, t'inquiète, Niama, moi je fais ça ailleurs. Je fais ça ailleurs. Une meuf, c'est si t'as, et pas une pute à la IM. Dynamique déterminée, mentionné sur le CD. Tu sais, pour acheter ma croupière, bâtard, bah tu peux toujours rêver. Niama, aïe. A deux ouais, S. Ouais. Nanterre, Nanterre, c'était rose. Nanterre, okay. Écoute ça, écoute ça. Aïe, aïe, aïe. Déterminé comme toujours, j'ai perdu ça dans la haute cour. Drogué, argent sale, y'a des règlements de compte tous les jours. XS, XS. Guet un pan à se battre pour des kilos. Kilo, pour des kilos. Kilo. C'est comme ça que ça se passe dans mon 7-7-3-5-0. T'es parti au bon soir, t'as fini au car personne t'a pisé tes pas. Je te donne un conseil, c'est pas des potes, car faut pas les fumer ton temps. C'est pas toi alors tirer dessus, si tu veux garder l'étendard. Tu connais les lois de la rue, on ouais, a pas d'arbre, y'en a que pas. Oh. On veut faire du mal à ta clique. Oh. On veut faire du mal à ta clique. Oh. Les clics, les automatiques. Oh. On veut faire du mal à ta clique. Ben, on veut faire du mal à ta clique. Ouais. On veut faire du mal à ta clique. Les automatiques, okay. J'ai la calage, nantérienne dans la balance. 2-6, meuf, appelle-moi mon avocat. Tu trompes, te mets yam comme le coca. Personne n'y peut rien, même pas mon avocat. Yoka, yoka, yoka, ton aka, aka, aka, aka, ma paka. Comme un thé, passé comme le aka, aka, fais comme, c'est le waka, waka, waka, waka. Je régresse pas comme caca, comme dirait Hamza, j'ai la baraka. Finissons à la Ibra, tu râles à la yaya. Big up à NK, Bota, Chekna, Aka, Aston, Jérôme, Brad, les jumeaux, Brian, Vivo, Amin, Jadier, Yano, Gigi, Auguste, CD, Lika. Hey, on te baisse, tu nous fais des caresses, pourquoi tu vas te sécar? Écoute, ça va aïe aïe aïe, Baïdé. Original, ma plume, elles sont pas les coudes, décrocher la lune, elle fait déjà la une. fait du verre au comico. Alors tiens tes fans, c'est normal. Dans la rue, elle bicrave à deux patates. T'es là, tu rates ta vanne. Tu sais même pas ce que c'est la zézère. Tu sais même pas ce que c'est passé les fêtes en armée. Vas-y, la valo, on bat ton équipe de Marvalo. Avec mon petit séjour, je verrai jamais la gueule de Miami autour de moi. Y'a pas d'amis, y'a que des ennemis. Ok, bang, bang. C'est le bail. Okay. M.O.H.A. Continue. Continue. Continue. Écoute, JP, écoute ça, écoute, JP, c'est Go Fast Team ou quoi? Ouais. C'est Go Fast Team ou quoi? C'est Go Fast Team ou quoi? Avec Cousinama, écoute ça, à l'ancienne. Coïncidence, mon rap grandit quand j'y pense. Conséquence, je provoque une affluence, offense, les gosses, insuffisance. Peu importe, j'ai mon aisance de couplet. Fais des fêtes d'un gémissement, l'équipe au complet. Effectivement, je pourrais entourer de mon clan. Flamme instinctivement, l'auto-défense. J'ai le grand du type qui n'a rien à perdre. Comporte ma mère, je vais te payer les portes grandes ouvertes. J'essaie de pas rester inerte. Les bons comptes ne font plus grand chose. Ce soir, je suis Skyrock en direct avec mes sauces de Go Fast Team. Tu vois, c'est du rock. Tu fais du freestyle avec mon sauce. Moha, Brazi, Baidé, et là aussi. XS, mais aussi. Eggy, Cozy. Et qui Assad, et qui et tout le monde, des mecs de Sarcelles. Fais un bâtiment de bordel, lâche Moha, Moha, Moha, Moha, Moha, Moha, Moha, Moha. 46 balles sous le lait, ou 36 menottés. À la barre, ne balance pas, ne grosse ou balance, gars. Qu'on se rabat sur la bleutin, pour voir le tête sous les bras. Ok, tout le monde, ça va faire, ok, vas-y. 9-2, 1, ok, ok, 9-2, 9-2, 700 colons. Ok, on est là, le Vassim, JPZ. Vas-y, j'y vais. Yo zo di zo. Tu fais du bruit, mais c'est déjà plus. Elle t'a pété, mais c'est déjà cuit. Venez dans ma prochaine, on va partout, c'est. Venez à plusieurs, je vais vous cartoucher. Hop, j'ai fini, des fois elle cunait. Salope, va doucher. Ils veulent ses pères, mais ils sont pas patients. Parle-moi que de Kardashian. Visage dont je suis attachant. Présente-moi ta fille, je serai dans sa chambre. Tous ces détails, on veut des ou ce bébé. On a trimé ses verres pour des petits salaires. Niquez vos mères. J'ai dit, allez, niquez vos mères. 9-3, tu connais. Mais achète, mais comme autant passionné. Trop passionné. C'était des terres, on fait vite ton bonnet. Bref, tu nous connais, pense au cotis gros, mais fais pas la bise gros. Avance le roi, allongé devant bistro, j'pas. Crois pas qu'on blague, nigga. Moi dans le film, la Steven Seagal. Tous sont chers, rhum comme des migales. Si t'es une dame, reste un pigal. Parle-moi de bastos, parle-moi de crack. Assassin de casso, j'aime pas le bac. Le 3-7, c'est le combat. Quand on dit que ta mère, on évite le contact. Je l'ai déjà dit, café, t'es mal. Paye-moi n'importe comment, mais mon diam. Le capitaine, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. On veut au jour le jour, on part sur héros larmes. Dans nos cœurs, c'est un rap marif pour mes compagnons d'armes. T'assure, tu vas regretter de nous avoir tout fait. Pour qui tu t'es pris, jamais de garantie. Dur de parler au passé, la crise touche. Un foyer sur trois, voilà pourquoi on se bat. Pour apporter le grand tournoi, donc on s'organise pour doubler la mise. Équipe de choc, t'approuves ou t'approuves pas. Je vois la barre, on aura toujours tort. Go fast, sur Skyrock, Skyrock. Viens traverser cette époque. Disquaire sur Skyrock. Check, tu me recrues, Zedder, tu connais. Disquaire, ça fait. Ne fais pas le gamin, je n'ai pas d'égal. Dis Zedder, ouais. Yeah, yeah, yeah. Ah, c'est ça de base, mon pote. Go fast team, je m'en rends à la rue, je te coutilière. Ça fait 0S. Mayo, Yozo, Duzo, champion. Disquaire, voilà, le BBL. Tiens, FSL. Ouais, je m'arrache. Ouais, je vais où? Colomb. Ariane Nabil, yeah. Ok, grosse casse-tête, mètre de strass, tous les bails, la caravane. Fais pas le gamin, je n'ai pas d'égal. Je te canne, mon régal, me dis pas c'est comment. T'en veux plus là comme nous. Gamme, je te canne, mon régal, me dis pas c'est comment. T'en veux plus là comme nous, c'est Dieu te gamme. Mets-toi surtout dans la tête que là je commence. C'est un flou rare qui pourrait venir de Komodo. Me dis pas que pour nous sont autant ou qu'un mot doux. Que chez l'étiquette que l'on te colle au dos. La question poto, c'est what we gonna do. On a la corde cool, l'industrie du disque cool, je suis leur manodou. Je nique tous tes discours et tes mains nos tours. J'attends pas pour te dire que là, à mon tour. Ton fait, on a fait copier et pendant qu'on a fait coopérer, toutes les fois du peur à mais je t'ai dit qu'on reste en face, c'est le pas d'enterrer sur la scène, mais dans l'opéra, mes potes, jamais d'enterrer, car de kidnap, hey, le faire à peau, de fast team, aujourd'hui, P, une pute pour me faire sucer, de préférence Rihanna. Rihanna, tu rases les murs, tu caducas, c'est pas normal. Pas normal. Musicalement, t'es signalé dans la mode. Bah, c'est plus qu'un gang, il nous gagne du coin de l'œil. Pour tout baiser, je proviens Elma. Un gars, vite, on fait du sale à la fille à sa maman. De mon dame, les gars. Quand ils aient dit au HM, yo so du man. Yo so du man. Ok, viens faire un tour dans ma tête, on t'arrête. 92ème, faut couper en barrette. Avec mes nez, gros jeu, rôde. Que des billets émeraudes, que des billets mauves. Déjà, d'entrée, nique sa mère. On fait monter le chiffre d'affaires. Surveille le terrain, toujours serein. Mon gars, crois-moi qu'on va se les faire. Maillot. Maillot, grosse maillot. Je m'appelle, tu m'appelles. Violent, stringer, belle. Bloc dans la poubelle. T'enterre à la pelle. À la pelle. Ok, j'ai aucun animal. Passe-moi le casque, c'est vrai. Ok. Ok, Ternan, Néal. J'ai aucun. Reçois, Bosby, reçois. Ok. C'est ça que ça se passe, les rap, tout ça. Ok. Go fast team. Go fast team. On est là. Ok, Joka, j'encule Bobby Schmier, j'encule Bobby Schmierde, je viens que pour faire des meurtres, je compte peser comme Burt, leur choix c'est de perdre, j'ai rien à boire des soucis, du flow et du temps à tuer, j'ai aussi mon gros zizi gros à t'en faire suer, ramène des sables, je suis pas le boss, mais je sais que je suis plus fort qu'eux, à quatre pattes je les dresserai, à coup de patte, à coup de queue, coûte que coûte, frère je les découpe, des croûtons dans mon bol. Ton sang sera ma soupe. J'ai la N2KAA. Dracula, viens pour faire péter le sang à coups de hache comme Ragnar. Ça tire, ça fume, à tout va. Brouillon de moulin. Si t'aimes pas, t'écoutes pas. Et puis c'est tout, connard. Okay. C'est le style King Kong qui défie King Kong. C'est rap contre nous, on lui laisse 10 secondes. De quitter les lieux mortuaires, des territoires ennemis, des terrains plein de mines. Une bouchée plein de rimes. De quoi te faire sauter une jambe. Parle pas mal de ma ville, tu fais du fric avec les mecs du c'est ta vie. On te connaît pas de vie, ça pas y'a trop de vie si je rappe pas grâce à Tupac ni B.I.G. La preuve les MC force ils veulent tout scanner sa tombe. J'ai plus que la tête sur les épaules. Balafré comme Shakur dans Gold. Je rentre au castal, j'enfile les gants. Pendant qu'il y a un chapeau et un bête de qui m'attend au télé. J'ai même pas besoin de mille mots. Comme Nicky, j'ai mis tous les jours un doggy. Si je te perds que je brise tes rêves. Prends le gif, y'a pour la fête. T'es dans le game, je te trouve pas. Mousse à l'instel. A chacun mes couplets, dis merci Jackie et Michel. 9-4-BL. Pour l'AMC, pour la B Mordac. Team Yaman. Pour le B, pour le B Rose, pour le Rappi. Team 243. Être faux négro, j'ai pas le droit. Pas le droit. Je leur dis wesh avec le troisième doigt. Troisième doigt. Bisous mon cœur, papa va faire ce qu'il doit. Hélas, papa n'a pas pris le chemin droit. Être bon esclave, ce qu'on nous enseigne ici. Vive le business, on dit couche dans le paquet de couches sans gêne ici. Gêne ici. Le pasteur est sidéré. Comme des mères considérées. Trop de haine ici. RERC, Val de Seine ici. Boule boule que nous dans la scène ici. Je parle de pas que signifie. Ok. Ouais. Jirai, on brise tes limites. 9, 2, 1, 3, 6. Y'a que mon reflet que j'imite. Wow. 9, 4. 9-2-1-3-0. Le réseau 9-2-1-3-0. Merme. Un petit de plus, c'est pas le moment de se chier dessus. Sois attentif, c'est que le début. Vénère, je suis moto débit. Marqué rapide par ses cicatrices, niqué par celle-ci. Chama revanche, aujourd'hui sans MIC. Marche pas à travers, n'oublie pas que le destin est cruel. Tu comprendras alors que la street laisse des séquelles. Pleine conscience, je déchame tes jeux charbon. Sortons les tarpés, n'est pas imiter les grands frelons. Je suis trop sale, on est hâle. Pourtant mon son est digère-le par le trou de balle. Dis-moi que je claque, sache que je débarque. Sauf pour les racailleux qui perdent la flicaille. Je ne baisserai pas les bras, le combat continuera. Tu me connais pas, c'est bien pour connaître mon vrai visage, te dévisage. Et alors, depuis lors, tu criblé de haine dans les corps renaissent. Boum boum, je dégaine. Est-ce que j'assure, je t'ai censé ce que je dis, ce que je parle, pas les gens pensés. 3-0, il dit ainsi grec, ici les moulinots, poteau. Ce que j'ai sorti, j'écris des textes sensés, ce que je dis, bah, vous sont fixés. Ok. Oh. On est tous love du Seyo. Ok. Love du Seyo. On est tous love du Seyo. Ok. On finit là-dessus, là. On est tous love du Seyo. Fredo, on finit là-dessus. On est tous love du Seyo. Seyo. On veut de la monnaie, on veut de la monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. On est tous love du Seyo. Des bits sur le bus, des bits dans la street. J'fais du bif, j'fais du bêche, j'fais du bif. Miss, me fais pas la bise si tu suces des bits. Même si t'as mis du gloss. J'ai les mises profondes dans la gorge. J'ai misé sur le rap gore. Mes gars, c'est ça qu'ils adorent. De Max 530 ou Raptor. Arrête de faire le rappeur. Avec ta tête, tu crois que tu fais peur. Je cherche un échappatoire. Y'en a pas maintenant, tu fais quoi? Dis-moi, tu comptes faire comment? Pour ses pères dans le rap game. Tu voudrais rapper comme moi. Comment la voix, élever le level. Les montagnes se rencontrent pas. On finira bien par se traiter. La nuit, je dors pas, je paierai. Jusqu'au lever du soleil. Perso, je coupe pas Nahes là. Pense qu'à faire de l'oseille. J'en sais plein qui se mange froid. J'en ai plein dans le congèle, ouais. Plein dans le congèle. Il raille le réseau 9-3-0 ici. T'inquiète pas qu'on fait de la négro. T'inquiète pas que c'est criminel. Au PDTR, t'inquiète qu'on fait mal. T'inquiète pas, mais les gros, ça fait mal. T'inquiète pas, les pédales vont détaler. La vie de ma mère, j'ai trop la dalle. T'inquiète pas, les gros, ici, laisse la place. Toutes les petites pétasses, t'inquiète pas, je vais les ravaler. Ok, venez pas tester. Ok, on est bien bossé. T'inquiète, Skyrock. Ok, mon pote. On veut des thunes. Oh, quitte à faire dans l'excès. L'accès pour la fortune peut coûter cher. Ça, tu le sais. Il est vrai qu'on s'est fixé de faire affaire avec le champ du vide. Même si les cœurs ont confisqué les purs moments où c'était pire. L'argent sale, armé le bonheur en main propre. À ce grand du quartier que les petits écoutent comme un prof. Faut pas s'étonner si cette année ça pète pour des centimes. C'est disquaire, tu l'as senti. J'ai comme une envie de vomir. L'État aimerait nous endormir. Sans rendre compte à l'avenir. Et nous dire que le pire reste à venir. Monnaie, on a besoin de la Nemo. Pour devenir un gros poisson. Regarde pas le monde de Nemo. On m'a dit qu'est-ce tu fais. J'ai dit je fais du peur. Je viens remplacer ton rappeur préféré, my nigga. J'ai le flow que t'as pas. T'as le genre que je veux. Dégosse avec toi. Non, je crache dans tes cheveux. Ray, non noir, sans que le pilon. On a des meurs dans le veston. Pose pas de questions, petit confre long béton. Pour les troncs sur la tête du cléon. On veut fuck Zénon, viens à terre, non. C'est le néant, on est méchant. Fainéant, sauf pour la bibi et le vol. I'm sorry maman, je les fracasse. Comme un titan, je roule un col, c'est la mi-temps. On t'arrache toutes tes dents et on viole tout tes dedans. J'y ai aucun animal, Nanterre, on est là. Vindassad, aïe, 9-2. Ok. Bang, bang, bang, bang. C'était la session live dans l'émission ce soir, dans la nocturne, avec JP au contrôle. JP, merci. À toi. Merci à toi, Fred. Merci à toute l'équipe qui était là. Ils avaient encore envie de freestyler. Merci à toi, Fred. J'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Et à un moment. Mets tout. Tu mets tout ce soir. Comme ça, ils vont tous s'autocritiquer. Tu vois ce dur ou pas? C'est ça la GoFastime. Merci à toi, JP. N'oublie pas tous ceux qui t'écoutent. Et on suit donc JP pour te suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos. Bah, il faut aller sur GoFastime officiel, JP Laisse du 9 officiel. Vous allez retrouver des informations, des sons, des vidéos. Allez cliquer sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous un maximum. C'est JP Laisse du 9.

rap français. Planète Rap. La Nocturne. Sniper, combat, ouais. Explicit lyrics, la nocturne. Ah

sur scène, laisse le mic bolo, c'est la seule chose qui nous revienne de droit. Le cap de droite dans le front, marque, genre d'une peine urbaine. Je vis ni comme un Hood, ni à la hollywoodienne. Gros, je te traumatise ma couille. T'as le putain de matos et les magouilles. Mes blackos et mes rapzous, Hassoul, trop froidi pour 3 sous. Le 300 lune sur le drapeau, c'est pas une news. Vitrine 9-4 rime avec Braco. Nous on s'en bat les reins, 9-4 soupape. C'est la mafia, les grosses frappes. Sur le terrain, y'a que nos petits frères qu'on palme. C'est la BS, gros, t'as la BS. Nous on est coriaces, on mange halal que AVS. Camille Groot, la racine. On trempe les institutions dans un bas d'acide avec les racistes. Faut qu'un signe, un classique, un principe. Dans ma banlieue, tu trouves du trafic et du plastique. C'est quoi votre place? Sniper, rimeur d'élite section. Vous représentez quoi? 9-5, Val d'Oise, banlieue nord, tonton. Ouais. Sorti de nulle part, des trous de balle. La région parisienne, on met 95 sur la tocard. Les banlieusards du nord interviennent. Les hyènes participent au Delport. À Deuil, la baronnière entre espace vert et côté obscur. SNIPER, y'a pas d'imposture. Grosse odeur de PR, la famille derrière pour me booster. D'ailleurs, j'en passe une pour les voisins du 93. Bref, tous les endroits où tu peux me trouver posté. Ouais, Zach, t'es mal à riposte. La rage dans mes couplets. 9-5 pour faire couler au foyer ou au poste. Tout d'abord, c'est banlieue nord, pas les choses à moitié. Voyez là-haut, les picots ont dépassé Poitiers. Associable, sniper, produit prohibé. Fournisseur de matière inflammable comme JR et JP. Val d'Oise, ZRF, la haine qu'on apprivoise. La de sourd à DDF, de Deuil la barre à Pontoise. Serre les 9-5, ici Placo 9-5. Même si reggae mano flow qu'on est. Val d'Oise, banlieue nord, j'ai un milité. Faut que je donne sa fort à mort, je vais représenter. C'est pour les 9-5 zona, c'est du snipe grona. Je te le rappelle au cas où t'aurais pas capté. C'est pour mon QG, ma zone, mon secteur, mon quartier. 9-5, t'es les gouttiers de mortier. Vous avez tous représenté comme il le fallait. Panama Star, le cercle de feu pendant foiré. Quel kiff de les retrouver ensemble. Sniper, c'était cette semaine dans Planète Rap. La vidéo est dispo sur skyrock.fm. Panama All Star. Panama All Star à l'instant. Rap français, Planète Rap. La Nocturne. Attention où vous mettez les pieds. Le son de La Nocturne avec Monsieur Carlito de retour. Carlito qu'on salue, il y a un projet qui est dans les bacs qui viendra bientôt dans une Nocturne. Carlito, c'est maintenant dans La Nocturne. Et tonton, y a rien à faire, les affaires, c'est les affaires, vaut mieux qu'on t'en perd. La prison c'est un boucan tout le temps dans le mauvais camp. La loi plus d'oreilles, mon rey. Le karma, une pourriture, à cahier, c'est ma nature. Bricoler, barouder, carotter, bang bang sans relâche. Nombreux comme les calaches, on se tient à distance des lâches. C'est ce que je fais dans la vie à l'ancienne. Comme on opprime, on retranche. V'là les amis et rajoute des ennemis. Je fais le tour des bâtiments, v'là la galère. Un basket sur le ciment, ça dégénère au carpère. Y'a que la violence qu'on récupère. Orly le zoo, vive dans la boue. Plusieurs coups aux famas, les réformés au service doivent s'envoler pour Damas. Des millions cachés dans les baloches, putain c'est moche. Les petits font du ski toute l'année, c'est piste blanche. Je suis à mon compte, je fais que du black comme dans la cave, aucune des griffes. Quand c'est les chiffres qui parlent, les Bahamas c'est pas un dream. Pour une banquette, ça fait un drame, fuck les lois profond avec 15 doigts. Je suis pas un fils de pute et ça se voit. Je regrette, ça manque, la demi-lune. Les foulées qu'à la une, le bitume et ma plume. Les rancunes, pour pas une thune. Chin chin, sur un air de typhon. Les quartiers chaotiques, le voisinage horrifié qu'appelle les flics. Chef funérailles, c'est malheureux. Ma vie c'est comme du lait sur le feu. Vise un peu les valeureuses prises entre eux. C'est pas un jeu, j'dis rien, j'dis tout. J'dis rien du tout. Le potage a un sale goût. J'suis posé, ça fait tic-tac, mon cerveau bout. Chaque pourriture se plante comme dans la nourriture. Ici tout est sec, une armée d'insectes. On cherche un job à plein temps, un petit braco au printemps, un petit tapin en 15-20, un 8-3, changement de climat, dis pas que j'ai changé. La pression est toujours hale, la cause toujours la même, on compte plus les problèmes dans nos HLM. À deux doigts de foutre le sbeul, la tête dans les chats, on piche que dalle, t'étonnes pas que je sois devenu un marginal. Excusez la grossièreté. Salut Tommy, cire plus les chaussures Billy. Quoi? Cire plus les chaussures, ça fait un bail que t'es parti, peut-être qu'on a oublié de te le dire, c'est fini, cire plus les pompes. C'est pas facile. C'est pas haut et fragile. Et pourquoi on s'assassine? Vivre au zoo. Raconte l'amertume, le jeune dans la merde, noyé par la fume, par la fume, par la fume. Raconte l'amertume, le jeune dans la merde. Raconte l'amertume, l'amertume, l'amertume. Raconte l'amertume, le jeune dans la merde, noyé par la fume, par la fume, par la fume.

vu comment ce mec les part. Si ça c'est ta personne sépare. Et si le sang s'éparpille, ce sera le retour à la case départ. Parce que aussi ces mecs poucaves, obligés de plaider coupable. Ouais, à qui tu nous compares? Purple Money, c'est de la tout part. Pourtant j'ai pas été biberonné. J'étais tel bezoul, la daronne a charbonné. Il n'y a qu'elle qui peut me sermonner. Même elle m'a dit de faire de la monnaie. Sinon les femmes t'écrasent à terre. Faut vite devenir un gros bonnet. Un gros mafieux à la selle blatter. Enlève ton string pendant que je baisse la terre. Pendant que je déblatère, reparle sur moi et je te baisse ta mère. Au moindre faut passer la guerre. Autour de moi y'a beaucoup de traits. Faites pas carré, c'est plus un secret. Mais hamdoulah, j'ai mes refrains. J'aimerais vous dire que je suis triste, mais l'oseille me console. Je me gratte les couilles, je vous regarde, je me marre et je joue à la console. Je rappe, je consomme, je paye des infos. Tu grattes ta go, franchement, chapeau. Tester l'artiste, c'est pas du gâteau. Je suis Versace, tes petits bateaux. J'ai un scoop pour toi, c'est officiel. Je suis le boss de l'auto, tu me parques à des sous, tu vas te faire enculer. Je vais pas changer de logiciel. On m'a dit, c'était trop commercial. Mais connais-tu quelqu'un autour de toi qui refuserait un paquet d'oseille? C'est la crise, ma gueule. Aujourd'hui dans nos cités y'a des petits rebeux renois qui dansent comme George Michael. Donc tu fermes ta gueule. Sous le pavé le soleil bang. Et sur le pavé le sang bang, bang. Chez moi on tue pour l'oseille. Comme si on tuait le temps. Non, il n'y a rien de bien méchant. Méfie-toi des offres allégeantes. De ce que l'agro a entre les jambes. Des mythos et des autres légendes. Bienvenue en France, Paris le luxe. Si nous cendrillons, fait des films de huc. Sans forcer, elle brise des nuques. Alcool corsé, elle cherche un truc. T'es à Pablo dans le fait sa perruque. Je traîne avec Rolls et la perruche. Toujours ready qu'il l'aurait cru. Toujours Eddie, je traîne dans la rue. Nigga, des fois je rappe devant des restas. Ou des mecs qui croient l'être. Je viens du Nord, je te transmets le message. Yo, nique ta mère en trois lettres. Même si ton zinc du bled est relou, on voit quand même le western indien. Ce sera toujours moins relou que d'emmener une pute à la réunion. Oh. Même si elle est super bonne, qu'elle fait des trucs de cochonne. Même si elle est mignonne, c'est pas avec moi que tu feras le bonhomme. Remballe tes couilles, sois économe. On va briser la colonne. Transporter ton corps, parfumer à l'autre colonne. On a les mêmes, elles viennent de Pologne. Mafieux comme en Pologne. Mafieux comme en Pologne. On a les mêmes, elles viennent de Pologne. Même pas le colisée. J'ai même pas le colisée. J'suis en marche arrière sur la route du haram. Avenue des Champs-Élysées. Elle veut un mec sponsorisé. Lova, Sano, tu vas coq, tu vas shit. Pour le Givenchy, moi je m'en bats les couilles de tout ça. J'suis pas un gratteur de Boussa. Inch'Allah, j'me barre au Comor. Rejoindre le père de Moussa. J'fais mes prières à l'heure et des doigts pour ceux qui sont type 1. Moi j'ai commencé ma carrière en brûlant ma guitare. Souvent on se perd, on s'oublie. T'as vu, des fois j'suis troublé. Tout le monde veut te doubler. Sûrement parce qu'il y a trop de blé. C'est l'artiste Purple Money. 9-3 pour du Norte. T'inquiète, j'en ai plus pour longtemps. Si ça peut te réconforter. La nuit tu fais des cauchemars, on fait des rodéos. Démarre le fer vite, évite la mondéo. Dans ce 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. On enregistre là. C'est parti. Ok. Yeah. Dans la famille bravoure, j'aurais voulu le père. Celui qui ne connaît pas le sien, puisqu'il s'est fait la belle. Fils unique au parcours, singulièrement complexe. La discipline des hommes d'église a fait de lui un croyant plus que perplexe. Limite, anarchiste solitaire, préfère perdre le combat que de faire marche arrière. Mauvaise pioche, la suite miracle de mal en pire. Pour s'en sortir, il sera forcé de prendre la mer à tout juste 14 piges. Un apprentissage qui enseigne que le comble des marins c'est se noyer dans un verre de clan Campbell. S'il y a des raisons d'être caractériel, je comprends mieux d'où vient cette colère éternelle. Refrain. Je me fous bien de là où me mène. Je veux savoir où je suis parti. Oh. Dans la famille bravoure, je voudrais la grande sœur. Elle qui a vu sa mère se battre pour de grandes œuvres. Elle qui aurait pu saisir sa chance. Mais elle a tendance à croire que c'est un combat perdu d'avance. Elle sait que le monde est plus beau quand on s'aime. Elle est passée de la crise d'ado à celle de la quarantaine. S'il y a des raisons d'affronter la vie de manière si peu sereine, comprendre d'où vient cette impression d'être seule face à moi-même. Refrain. Je me fous bien de là où me mène. Je veux savoir où je suis parti. Dans la famille bravoure, j'aurais voulu l'aîné des fils. Génération U2, Bob Marley, Police. Stéréotype machiste qui se la joue relou à tout va. Sauf que derrière chaque grande gueule se cache son opposé qui n'ose pas. Atteint par le syndrome du rejet, faire du mal aux autres avant que ce soit l'inverse semble leur assurer. S'il y a des raisons d'être aussi cruel, je comprends mieux d'où vient cette méchanceté habituelle. Refrain. Je me fous bien de là où me mène. J'aurais voulu le second garçon, orgueilleux sans fond, insociable avec mention, pense du mal de tout le monde, jusqu'à preuve du contraire. S'il te sourit, méfie-toi, c'est sûrement en pensant au coup qu'il peut te faire. Obscur, un pléonasme, y'a plus d'amour, c'est sûr, dans une lettre de menace. S'il y a des raisons d'être aussi odieux, je comprends mieux d'où vient cette part de moi si ténébreuse. Preuve, hein. Je me fous bien de là où me mène, je veux savoir. Dans la fin de bravoure, j'aurais voulu le dernier né que l'on surprotège, de peur qu'il prenne les mêmes voies de merde que ses aînés. Autant d'efforts qui laisseront des traces, car c'est en recouvrant le feu qu'il s'éteint, hélas. Coincé dans son Truman Show, le monde vu de sa bulle est à des kilomètres d'une autre. S'il y a des raisons d'être aussi lunaire, je comprends mieux d'où vient cette envie de quitter cette terre. Refrain. Je me fous bien de là où me mène. Yeah. Je veux savoir d'où je suis parti. Yeah. Dans la famille bravoure, je voudrais la mère, elle qui a créé ses propres règles pour qu'on ne puisse pas jouer avec ses rêves. Elle a le cœur sur la main sur le cœur. Doyenne d'une fratrie de 11 frères et sœurs, elle connaît le partage mieux que n'importe qui. Si elle avait la clé du bonheur, elle t'aurait fait un doux pour ton porte-clé. Dans ce monde où personne ne se fait de cadeau, où tout le monde veut le fric, elle pourrait construire un château avec une seule brique. Là où les paroles s'envolent comme des ballons de baudruche, elle a rejoint les bénévoles de la cantine de Coluche. S'il y a des raisons de donner, autant s'en recevoir. Je comprends mieux d'où vient cette partie si généreuse en moi. Refrain. Je me fous bien où la route me mène. Je veux savoir où je suis parti. Oh oh. Je me fous bien où la route me mène. Je veux savoir où je suis parti. Oh oh. C'est la nocturne avec Si fort dans la nocturne. Pour moi, avant ma mort, vécu de Van Gogh. Et juste après, on se fait This Is. Tous les jours, on fait la prière, puis fait ce qu'on a à faire, brother. Le ciel m'appelle, je prends mes clés, raccroche au nez du malin. Publicité de gloire, ils suivent des spotlights. Mon 30 rang de blanche pour masquer une infinité de noir. À ma mort, ils diront peut-être j'étais le meilleur des MC. Le game est zone interdite, mais je passe pas sur M6. Faire des petits sons et signer, pour eux ça le fait. Brûle des antipop et crache des flammes pour voir le feu sacré. Hip hop comme mon Whitey, les coachs je respecte. Sur iPod, Nas, Pac et Biggie feront mes obsèques. J'ai donné de ma personne, mon esprit, je n'ai pas vendu. Mes albums, télécharge-les tant que tu comprends le rendu. Black Power, pur militant. Ils traitent Cécile Quinguet de singe, mais eux font les singes en nous imitant. Je rappe pour lutter contre une cause. Un contrat sans ma plume, ton portefeuille a besoin de propre pour porter sa clause. À ma mort, mes écrits vaudront des plaques d'or. Ces ignorants verront mes œuvres comme celles de Van Gogh. My check, même si je plais jusqu'à la dernière heure, le public pleure en cœur. Chante mes textes par cœur. Mes écrits vaudront des plaques d'or. Ces ignorants verront mes œuvres comme celles de Van Gogh. Chante mes textes par cœur. Marquer mon temps comme Cézanne, donc sur mes œuvres je traîne. J'ai le chant libre, ma mélodie ne porte pas de chaîne. Et quand je joue, je le mets dans le jeu. Quelle que soit leur envergure, ils sont poids plume pour boxer avec Dieu. On a pris de l'ampleur, le système veut nous enfermer. Il nous endort car y'a que l'insomnie qui peut nous cerner. Nous guide tel un jeu de plaie, salisse nos images et nous regarde nous entretuer avec le smile au visage. Y'a de la soupe en radio, ils nous font croire que c'est ça le rap. Retirer ces faux MC, non c'est pas ça le rap. Des clashs qui ne valent pas la peine, aucun texte à niveau. Absence de vrai lyricisme, des lignes manquent à la peine. Ils me jugent pourtant mon RAP nourrit la banlieue. Ma soif de haine dans ce désert d'envieux. Boycott pourtant ma plume, on a fait des accros. Mais j'oublie pas que Bob Marley a dû braquer les radios. Mes écrits vaudront des plaques d'or. Ces ignorants verront mes œuvres comme celles de Van Gogh. My check, même si je plais jusqu'à la dernière heure. Le public pleure en cœur, chante mes textes par cœur. Mes écrits vaudront des plaques d'or. Ces ignorants verront mes œuvres comme celles de Van Gogh. Pleure, chante mes textes par cœur. On est tous des hommes, Donc on croque dans la pomme d'Adam. Attends, trop de loups charmants à l'œil de Judas. J'ai demandé du temps, on m'a dit que j'étais un future king. Les années passent et j'ai toujours la plume à Martin Luther King. Comment leur dire que j'ai des points de suture? Je me pensais avec du scotch à l'école des coups durs. J'ai un diplôme de stunner, dilemme, je dois faire la guerre. J'ai cherché la paix, donc j'ai dû mettre des hommes à terre. À ma mort, mes écrits vaudront des plaques d'or. Ces ignorants verront mes œuvres comme celles de Van Gogh. Mic check, MC, je plais jusqu'à la dernière heure. Le public pleure en cœur, chante mes textes par cœur. Mes écrits vaudront des plaques d'or. Ces ignorants verront mes œuvres comme celles de Van Gogh. Pleure, chante mes textes par cœur. Mes écrits vaudront des plaques d'or. Ces ignorants verront mes œuvres comme celles de Van Gogh. Pleure, chante mes textes par cœur. Chante mes textes par cœur. Chante mes textes par cœur. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Straight. Du poisson rouge à ghetto sud comme je rappe la thèse comme personne. À la cantine quand j'étais piste à base de pop pop pop. Si t'en manges pas tant pis pour toi va faire du pop pop pop. Ils comprendront rien à ce texte, ces fils de lâche. Si tu viens pas d'un tiex tu captes pas ce qui s'y passe. Les frères font du cash avec ces choses qu'ils cachent. Ces choses qu'ils stockent, qu'ils gardent et qu'ils amassent. Lise superposé ses petits frères en pyjama. Dors sur un paquet de sable, le pauvre fait des cauchemars. La mère se doute de rien, c'est dehors qu'elle fait le ménage. Dedans c'est la petite sœur, son cousin lui fait des menaces. Lui c'est le petit d'un grand qui lui est le petit d'un grand. C'est comme au bureau, la rue a son organigramme. Des villes, des départements, des quartiers, des clans. Le chef d'orchestre, c'est la pauvreté qui organise des drames. Des petits dealers précaires se font presque la guerre. Des petits chiffres d'affaires convertis en hikers. Les autres rappeurs font des films, je rappe des documentaires. En gros, c'est des menteurs, MC metteurs en scène. La rue n'a rien de glamour, ça pue la merde. Les ados ne cherchent pas l'amour, ils cherchent l'hôtel. Passe de la mosquée au film porno, de l'église à la coque. Les études, c'est pour les bolos, c'est des bêtises dans la coque. Ça tisse de l'alcool, ça tient le haut. Tellement qu'ils en oublient le goût de l'eau. Vraiment, rien de fancy, la rue c'est triste. La rue c'est crapuleux, c'est dangereux, c'est strict. Les joueurs c'est pas le tableau, même s'ils ont blanchi le trait. Un délinquant le devient, chaque fois qu'un keuf le traite. Aller au collège, la peur au bide. Peur de croiser des mecs armés de tournevis. Pour des embouts de merde, des raisons qu'on oublie. Dans certains cartables, y'a tout un tas d'outils. Et à chaque coin de rue, y'a un test. Alors tu portes le masque du mec de test. Et tu seras jamais à l'aise en dehors chez toi. Y'a peu de questions où tu réponds pas, je sais pas. T'es bipolaire, t'es schizophrène, tête. T'es parano. T'as le banlieusard syndrome. Et si tu connais que la merde, tu seras fier de la merde. Tu en feras ta valeur, la porteras en streetwear. Comme des orgies privées de cartes mères. Les frères ont du cœur mais n'ont pas le software. Planète Rap, 100% rap français. Mamadou Lucas. Je suis dans le tiex, une portion de kieb dans la barquette. Dans la street m'ouvre la braguette, elle me tient par ce gang. J'avance à grands pas, 150 E, la paire de Jojo. Je rentabilise quand toi t'es devant ton verre. Dans le bar du coin, vers le clodo. Tous talents, les thunes font défaut. Y'a un truc qui cloche, on dit maman, sois fier ce que t'es. Ils ont le bif, mais aussi le cul qui bosse. Ils ont pas tort, la retourne, y'en a quatre sur un raptor. À chaque projet, je monte un rapport. Avec Abel Cross, droit comme un hic, la pavette froide. Quand c'est rude, tout le monde ferme sa gueule, on laisse parler. Mon argot du jackman, du rebeu, du verlan. Si j'ai l'âme du vainqueur, t'as celui du perdant. Tout pour mon public, le plus fervent. Toi, tu vas m'aimer, réponds-moi où, sergent. On va grimper, sans se travestir, comme méthode de suceur. On va faire sans, Chili Gangsta, SN9, un vol violencé, drogue, ouais, c'est renversant. Best of the best, pas besoin que tu le confirmes. Tu rappes le réel, tu racontes des comptines. Tu racontes des comptines, ouais. Je peux pas te laisser continuer. Mais non, non, que la vérité éclate. Je rappe, je retombe bien sur les bases. Autant que mes camps, les poulets passent. C'est là que reprendre tout mes spas. Frollo, faut